Bonjour, ma présentation est intitulée La région d'Aboukir, problématique de mise en valeur du patrimoine archéologique. En fait, c'est la région située à l'est de la ville d'Alexandrie, à presque 20 km. La région possède plusieurs ensembles des sites archéologiques, commençant par l'île de Souki ou l'île Nelson. Ensuite, il y a la baie d'Aboukir, où il y a les sites des villes portuaires ayant la nature portuaire submergée. Et on a dans la presqu'île de la baie d'Aboukir plusieurs forts. Daté de l'époque ottomane et mamelouk. L'île Nelson, la baie d'Aboukir, les villes submergées, les garnisons de la presqu'île et de la côte de la baie d'Aboukir. Si on commence par l'île Nelson, comme j'ai déjà dit, située dans la région d'Aboukir, à 21 km à l'est d'Alexandrie, presque. Et après, pour y arriver, nous devons prendre un bateau du port de pêche pour couper environ 4 km en mer. Ça dure presque 3 quarts d'heure. En fait, Monsieur Paolo Gallo, celui qui a lancé le travail archéologique dans l'année 1998 sur l'île, où il a redécouvert le site de l'île, et on a plusieurs structures datées de l'époque pharaonique passe jusqu'à l'époque byzantine. Sur l'île Nelson, on peut distinguer des tombes épogées. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, parce que si je vais plutôt concentrer sur le diagnostic et l'état des lieux ou les difficultés que rencontre la région, afin qu'on puisse chercher dans l'avenir des solutions pour résoudre le problème qu'on a sur le site. On commence par les tombes épogées, datées de 30e dynastie et 26e dynastie. On a y trouvé pas mal d'objets. Aussi, il y a un mur défensive, hein, comme on l'a décrit, daté de l'époque hellénistique. On a ici les maisons macédoniennes. Sur l'île, on peut facilement voir un système hydraulique complet. Pour bien recevoir l'eau pluviale, hein, afin de faire des réserves de l'eau pour fournir les habitations sur l'île. Et durant la mission 2009 effectuée par Monsieur Paolo Gallo, elle a recouvert un grand citerne daté de 4e siècle avant Jésus-Christ. Au début, on a cru que quand on a découvert des chapiteaux doriques colossaux comme ça, on a cru qu'ils appartiennent à un bâtiment important, peut-être un temple, mais après avoir terminé les fouilles sur le site, et en comparant avec d'autres exemples en grec, on a trouvé que le site est un grand citerne décoré, il était décoré par des colonnes doriques à l'époque à l'époque comment dire, à l'époque du 4e, 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. Si on quitte l'île de Nelson et on va sur la baie d'Aboukir, en fait, en partant aussi du port de pêche vers l'est, à presque 2 km, on a un site submergé qu'on appelle la ville de Canope, et précisément Canope Est ou Est, Canope Est, et aussi à presque 3 km de Canope, la ville de Héraclion est positionnée sous l'eau. L'importance de ces deux villes, elle est située à l'époque ancienne, je veux dire l'époque pharaonique tardive, l'époque ptolémaïque et l'époque romaine. Elles étaient sur des embouchures du branche canopique du Nil ancien. Alors, elles avaient une importance économique, commerciale, aussi une importance religieuse, comme par exemple on peut conclure du nom de la ville Héraclion, hein, qui est lié au nom d'Héraclès, et où il y avait un temple. Hein, on va le voir tout de suite. Ce site-là, il y a la mission de l'Institut européen d'archéologie sous-marine, qui mène aussi des fouilles organisées depuis presque 20 ans et qui a découvert des centaines de pièces importantes. Et une grande partie de ces pièces fait partie des pièces exposées plusieurs fois à l'étranger. Et maintenant, ils font partie de l'exposition qui a lieu à Londres, au musée, au British Museum. Canope Est, il y a plusieurs sites, il y a plusieurs constructions submergées. Ces sites, d'après la taille de blocs de construction, d'après les objets trouvés, ils appartiennent à un bâtiment très important. Il y a plusieurs théories, hein, qui parlent de temples, d'une église, mais ce n'est pas encore identifié. Mais tout ce qu'on sait, que ce bâtiment, cet ensemble, peut être daté d'après la méthode de construction et d'après aussi les objets découverts au 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Il y a aussi un bâtiment circulaire ici. On n'a pas encore identifié sa nature. Peut-être que ça fait partie d'un grand puits, d'un saquier, mais elle est datée aussi de l'époque romaine. Ce bâtiment quadrangulaire aussi est daté de l'époque byzantine. À Héraclion, le site, la mission a identifié le site par la lettre H. On a H1, 2, 3. Mais le site le plus important, c'est le site où il y a le temple d'Amon Gareb et son fils Khonsu. C'est un temple qui donne sur un grand canal branché, bien sûr, qui vient du branche canopique. Et on a découvert un jeté quadrangulaire comme ça qui peut représenter un embarcadère pour servir le temple. Dans le site, on a identifié et précisé des centaines des ancres et combien d'épaves jusqu'à maintenant. 567 La direction d'archéologie sous-marine fait maintenant des recherches archéologiques, des fouilles archéologiques sur une des épaves. On l'appelle l'épave 63. Les épaves sont datées aussi du 5e, 4e siècle jusqu'à 3e siècle avant Jésus-Christ. En sortant de la mer, sur la presqu'île d'Aboukir, on a plusieurs sites de forts. Il y a le fort d'Aboukir, ou le fort El Borg. Il y a le fort Costa Pacha, qu'on appelle aussi Koussa, Pacha. Il y a le fort Taoufiqeya. Et à presque 2 km, 500 mètres de Tabit El Borg, dans cette partie-là, il y a le fort Ramle, mais ce n'est pas clair sur le plan, parce que c'est une propriété militaire aussi. Aussi, il y a plusieurs tours sur la côte. Le fort d'Aboukir, c'est un fort daté de l'époque mamelouk. Elle était reconstruite et renouvelée par Pascal Coste à l'époque de Mohamed Ali, mais d'après Pascal Coste, elle a été construite pour la première fois à l'époque de Sultan Kaid Bey. Le fort d'Aboukir ont le même plan. C'est un plan pentagonal qu'on l'appelle l'Otabia. Ou ça sera plus clair ici. Costa Bacha. Il y a cinq bras qui représentent les murs et il y a une douve avant qu'on arrive au mur essentiel et une autre douve après avoir passé par le mur. Ce plan contient des logements pour, mais ce n'est pas clair ici parce que on n'arrive pas à bien voir et déterminer et visiter le fort pour bien déterminer les bâtiments. Mais d'après le document, on peut distinguer les murs. Il y a un tour essentiel. Il y a aussi le logement pour les soldats, il y a des réserves, il y a un deuxième étage qu'on appelle l'abri ou le bastion. Ça, c'est le porte-levis, c'est une photo d'archives pour Costa Vaja, pour le fort Costa Vaja, c'est le porte-levis. Il existe encore. Le fort Ramle aussi, le fort Costa Vaja a été construit à l'époque de Mohamed Ali, aussi le fort Ramle, mais le fort Ramle je n'ai que la description d'après le document ancien, mais c'est le seul dessin, le seul maquette, c'est un maquette conservé dans le musée militaire au Caire. C'est le seul document que j'ai. Si vous avez quelque chose, peut-être vous n'avez rien, hein, Catherine. Ah oui, c'est la seule chose. Même la maquette, ça, on ne peut pas le voir maintenant parce que le musée il est en train d'être renouvelé, restauré. Le fort Ramle est aussi daté de la même époque que Costa Vaja. Ça, c'est le fort Tawfiqiya. Elle a pris le nom du Khedive Tawfiq, mais elle a été construite à l'époque de Khedive Ismail. On voit clairement le plan pentagonal et on peut distinguer quelques bâtiments à l'intérieur. Le Tabia, Costa Vaja, le Borg, Tawfiqiya, le Ramle, maintenant ils sont dans des zones militaires. Le fort Tawfiqiya il est situé dans une zone militaire derrière la société des industries mécaniques. Aussi, le fort Ramle aussi il est dans la zone où il y a l'académie maritime à Boukir et il y a l'école technique des militaires. Donc, ce que je veux dire, que l'accès pour ces sites, c'est parfois impossible, sauf Costa Vaja, hein, Costa Vaja seulement, elle est accessible pour les archéologues, mais il faut faire d'abord des arrangements avec les responsables là-bas. Costa Vaja, elle a deux problèmes parce qu'elle n'est pas seulement une propriété militaire, mais aussi une propriété civile. Il y a des habitations, elle est habitée par des familles égyptiennes, une partie habitée par des familles égyptiennes et une autre partie est occupée par les militaires. Les tours de la côte d'Aboukir, en fait, c'est un petit fort. Ce n'est pas seulement une tour, mais on appelle un tour parce qu'on ne voit que le tour maintenant. Mais l'ensemble militaire se compose de deux bâtiments. On peut voir un ici, un pour le logement des soldats et l'autre pour les réserves des poudres à canon. En général, le fort, jusqu'à maintenant, contient des canons de plusieurs types, de plusieurs marques, et aussi les petits tours, ils étaient fournis par au moins 10 canons. Ça, c'est la tour numéro 2. Il y a, ça c'est la tour numéro 3. On a deux autres, 1 et 4. La tour 1 est complètement disparue et la tour 4, il ne reste que des simples ruines. Aussi, il y a le fort Ramla. Aussi, le fort Ramla, il y a, comme vous le voyez, un mur et il y a deux bâtiments, mais en mauvais état de conservation. L'un était destiné pour le logement des soldats et l'autre était utilisé comme des réserves pour les poudres à canon. Aussi les tours datées de l'époque de Mohamed Ali Pacha. Le diagnostic. Si on décide un jour d'aller visiter l'île Nelson, on doit couper une distance d'abord de 25 km. On souffre la circulation qui est mauvaise, sauf très tôt le matin. Après, on doit passer 3 quarts d'heure en bateau pour y arriver. En visitant la région d'Aboukir, on peut remarquer facilement l'infrastructure et la pauvreté de la population d'Aboukir et l'urbanisation mal organisée. Premièrement, quand on décide d'aller sur l'île, on doit passer par le bureau des gardes-côtes pour faire quelques formalités et des tasarih, des permissions pour passer sur l'île. La force militaire maritime, la marine égyptienne, c'est lui qui possède et contrôle l'île Nelson. Donc le Conseil suprême des antiquités, le ministère des antiquités, n'a le droit de rien faire que faire quelques fouilles archéologiques saisonnières chaque année pour découvrir le site. Alors, la force militaire maritime utilise le site de l'île Nelson pour faire des manœuvres et des entraînements pour les soldats. Ils font régulièrement des explosions et on peut, en se promenant sur l'île, on peut facilement remarquer les traces de poudre à canon, de paroud. Hein? Aussi, il y a une grande tour construite par la force militaire maritime pour superviser la région. La tour est forcément construite sur des constructions archéologiques qu'on n'arrivera jamais à redécouvrir. L'accès à l'île Nelson, le public peut y aller, il y a les pêcheurs, il y a les gens, les promeneurs, mais une fois vous êtes archéologue, vous voulez accéder à l'île, vous devez passer par des formalités et par des taftiches. Il faut qu'on se fouille, il faut qu'on soit fouillé en entrant et en sortant. Il ne faut pas amener des appareils photo, hein, parce que ça, c'est une région militaire. Hein, ça, c'est n'importe quoi aussi, mais ça existe jusqu'à maintenant. L'accès, toujours pour y aller, il faut prendre un bateau comme ça. Il faut il faut s'habiller comme sur les plages, parce que des fois, l'eau en descendant du bateau arrive jusqu'à la poitrine. Il y a la végétation de rue. Toujours, avant de commencer le travail sur le site, on doit passer une ou deux journées de nettoyage. On nettoie le site où on travaille. On enlève les végétations et aussi on enlève les ordures ménagères laissées par le public. Aussi, les végétations de rue a des effets négatifs indirects sur les structures parce que, comme c'est une zone pluviale, pluvieuse, hein, les végétations conservent bien l'eau pour longtemps et donc ça rend les structures plus fragile. Sachant que la pierre sablonneuse et la pierre du calcaire de l'île est pas de très bonne qualité. Ne sont pas de très bonne qualité. On peut aussi remarquer la dégradation, c'est clair, pour une déconstruction des sites. Comme il n'y a pas de surveillance de la part du ministère des Antiquités, il n'y a pas d'administration, il y a vraiment la surveillance de la part de garde-côtes et de la part de la marine égyptienne, mais c'est une surveillance pour la sécurité sociale, mais pas pour protéger la culture alexandrine. Il n'y a aucune limitation, les sites sont ouverts. La mission fait le possible quand on finit chaque mission, chaque saison de travail, on peut couvrir les structures découvertes, comme les tombeaux, les autres structures, par exemple aussi les chapiteaux qu'on a découverts sur le site des citernes. On peut remarquer aussi, comme on a vu, des structures en bon état de conservation, des structures uniques comme la grande citerne. Il y a toujours des fouilles, des fouilles menées par la mission italienne. Il y a encore des choses à redécouvrir. Le site a besoin de restauration. Et la mission aussi fait un effort pour restaurer les objets trouvés et on a réussi à spécialiser une chambre au musée de la Bibliothèque Alexandrina pour les résultats des fouilles de la mission archéologique italienne sur l'île Nelson. Il y a aussi des objets sur place, après avoir nettoyé les chapiteaux doriques, on les a transférés et on les a enterrés avec du sable, mais on ne peut pas jusqu'à maintenant faire le transfert de ces objets parce que sur place, ils sont menacés par des facteurs de dégradation naturelle et anthropique. Ça, c'est une partie des aqueducs cassés par les promeneurs et les pêcheurs. Toujours, il y a les promeneurs et les pêcheurs sur l'île, mais sans contrôle de la part de personnes. Les facteurs naturels de dégradation sont clairs sur le site parce que c'est un site ouvert. Les facteurs marins, on a déjà vu tout à l'heure les murs cassés de grandes citernes par les facteurs marins. Aussi, l'érosion éolienne le site il y a plusieurs vents qui soufflent sur le site. La plus fameuse, c'est le vent nord et le vent nord-ouest qui soufflent pendant l'hiver et pendant le printemps. Des fois, la vitesse de vent dépasse 40 km par heure. Aussi, il n'y a pas aucune mesure de protection, sauf par la mission italienne qui fait le travail sur le site. La sensibilisation publique n'existe pas. Aussi, il y a une absence de partenariat entre la marine et le garde-côte d'une part et le ministère des Antiquités d'une autre part. Voilà, c'est clair, c'est l'effet de facteurs marins. La baie d'Aboukir. La baie d'Aboukir, pour aller, pour l'accès au site, il faut prévoir un bateau bien équipé pour pouvoir rester le temps nécessaire pour effectuer des fouilles systématiques sous-marins pour les plongeurs qui peuvent trouver leur matériel, peuvent compléter leurs travaux, peuvent se reposer et tout. Donc, ce n'est pas toujours facile parce qu'il faut un grand budget pour financer une chose comme ça. Si on veut, on parle de la délimitation. Ça, c'est un site très vaste. Ça presque, ça dépasse 100 km carrés. On ne peut pas le contrôler. Premièrement, parce que c'est une propriété de militaires où ils font régulièrement des manœuvres pour le festival et aussi pour l'entraînement des soldats. Aussi, il y a les bateaux de pêche qui roulent toujours parce que c'est une zone économique. Aussi, il y a les bateaux promeneurs. Donc, pour délimiter la zone archéologique, ce n'est pas quelque chose de facile. Même si on a fait des délimitations sous l'eau, parce qu'on est menacé d'abord par les manœuvres et le tirage fait par la force marine et ensuite par les filets des pêcheurs, etc. Dès qu'on a décidé de plonger, on a aussi d'autres obstacles, la visibilité. J'ai déjà dit que la zone, c'est une zone artificielle, industrielle. Il y a la société d'Aboukir pour les fertiles. Il y a aussi la société du papier, Racta. D'un moyen à un autre, il se dégage de déchets dans la baie d'Aboukir. Et on peut sentir ça clairement en plongeant, surtout quand le vent de l'est souffle, parce qu'elle fait arriver tous les déchets. Donc la visibilité n'est pas très bonne, des fois elle ne dépasse pas 50 cm. Quand même on peut travailler, mais si on lutte plus contre la pollution dans la région. Le vent aussi joue un rôle important pour rendre le travail et l'accès au travail difficile. Le courant maritime, en plus, en fouillant sur un site, par exemple, quand on fait dégager le sable pour faire apparaître la structure d'une épave, on passe le matin pour faire apparaître l'épave et l'après-midi, la plongée d'après-midi, le courant et le swelling jouent un rôle pour re-enterrer la structure. En ajoutant la nature de la surface du fond de la mer, on a une couche fine de sable et après on trouve une couche argileuse, parfois fine et parfois très dur, l'effort. L'effort, d'abord, c'est une propriété militaire. Donc, l'accès au fort, c'est impossible. Sauf le cas de Koussa Pacha. Moi, je ne suis pas contre que ça soit propriété militaire. Oui, moi, je suis avec la réutilisation des bâtiments de cette époque, de la réhabilitation, comme beaucoup de cas en Europe. Par exemple, je peux me rappeler de DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles à Montpellier. C'est un bâtiment daté du 14e siècle, si je... 14e siècle, et utilisé comme une grande bibliothèque. On aménage des étagères, des bureaux, mais sans toucher l'authenticité de l'endroit. Et à mon avis, la réhabilitation correcte, c'est très bien pour les structures patrimoniales, parce que comme on est toujours dans le bâtiment, on peut remarquer les menaces et on peut trouver des solutions rapides pour conserver ou pour être face aux problèmes. Ça, c'est l'entrée de... Oui. C'est presque fini. Parce qu'il n'y a pas de proposition. Après, c'est tout. Hein? Parce que c'est la proposition, c'est à vous. Ah, donc, ça, c'est l'entrée de Koussa Pacha. Le problème, qu'on fait toujours des aménagements pour que soit le bâtiment convenable pour qu'on bien vivre dedans. Il faut qu'on fasse des constructions hydrauliques et d'électricité. Ça, sûrement, c'est tout, ça touche le bâtiment, surtout qu'il est fait par les militaires, parce que les militaires n'ont pas la culture suffisante pour penser à l'importance culturelle des bâtiments. Et si vous travaillez avec nous dans le service des antiquités, on a toujours les soldats avec nous dans les régions muséales et tout, et leur comportement peut montrer comment ça se déroule dans des bâtiments occupés par les militaires. Ça, c'est, on peut voir clairement une fenêtre bouchée par les familles habitées. Ça, c'est une nouvelle fenêtre. La végétation, la végétation drue attachée aux fondations. Ici, on a une chose importante, c'est une signalétique, mais n'est pas claire, n'est pas suffisant. Ça, c'est la tour 2. On peut voir la dégradation dans la base. Mais ça, c'est mieux que la tour numéro 3. Et on peut facilement remarquer la file sur laquelle accrocher les vêtements des habitations. Proposition. Généralement, il faut un programme de conservation et de restauration, programme d'aménagement du site, programme de mise en valeur. Il faut un partenariat pratique et concret pour pouvoir achever ces propositions sans détail. Alors, on est devant un ensemble de sites patrimoniaux très importants, datés de plusieurs époques. Il y a aussi un de ces sites, c'est la baie d'Aboukir, qui représente une source durable pour les pièces archéologiques. Donc, ces sites sont menacés par tout facteur de dégradation qu'on peut imaginer et qu'on ne peut pas imaginer. Comment faire pour les protéger parce qu'ils sont en péril? Alors, je dis, notre patrimoine archéologique dans la région d'Aboukir est en péril, il est menacé. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Et on peut discuter les propositions plus tard. Et merci pour votre attention.